Je sais bien que tu l'aimes. Tu lui as donné ton âme. Tu deviens soulard à cause d'une fillette. Toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête. Ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. T'en prie, oh camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais, c'est rigolade. Je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes. Tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes. Tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et le voilà.